Christian, bonjour Christian, comment vas-tu ? Bonjour Yasmina, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices et à tous les amis qui nous entourent. Et aujourd'hui, nous avons des invités. Avant de commencer l'actualité à l'international, au niveau national et au niveau local, nous consacrons 20 minutes à nos invités. Coralie, peux-tu nous les présenter ? Alors, ce sont les fameux invités qu'on avait déjà reçus de la ville du Prat. Donc, on reçoit Joris et Stéphane. Et Stéphane, qui n'était pas venu la première fois. Donc, voilà pourquoi je ne savais pas son prénom. Donc la DigiPride est passée, cette espèce de grand festival quand même, puisqu'il y avait des conférences, c'était quand même plutôt assez sympathique, c'était diversifié vu qu'il y a eu la marche du 21 mai. Alors donc au vu de tout ça, vous avez eu le temps de prendre de la distance et du recul. Alors quel est votre bilan de cette DigiPride? Est-ce que ça a marché, surtout que c'était une première à Marseille? Oui, donc bonjour, ça a fonctionné, on est assez satisfait du résultat, en tout cas on a eu des très bons retours jusqu'à maintenant. Voilà, en termes de nombre, on était trop peu nombreux bien sûr, on aimerait qu'il y ait toute la population marseillaise avec nous dans la rue. Sur la manifestation, alors sur les conférences, on était entre 30 et 60 personnes selon les conférences, donc ça c'était à peu près nos objectifs. Sur la manifestation, on était 150 à manifester samedi, donc c'est trop peu, mais bon, il faut se souvenir que les premières Gay Pride, il y avait aussi très peu de personnes, que voilà, pour une ville comme Marseille, c'est déjà pas mal. Voilà, quand il y avait la Veggie Pride à Paris, par exemple, c'était 300, 400 personnes. À Marseille, on est beaucoup plus excentré. Donc, on est quand même satisfait du résultat, surtout qu'il y avait une très bonne énergie quand même. On peut rappeler peut-être le but justement de cette manifestation pour les auditeurs qui n'avaient peut-être pas suivi la première intervention, Joris. Alors le but, il y a principalement deux aspects. Donc Pride, pour la Veggie Pride, c'est la fierté qu'ont les végétariens de ne pas participer à l'exploitation animale, donc à la mise à mort de 3 millions d'animaux par jour en France. 3 millions d'animaux terrestres, parce qu'on ne compte même pas les animaux marins, puisqu'ils sont indénombrables. Il n'y a pas de chiffres qui existent pour parler des animaux marins. On parle de tonnage, par exemple. Les évaluations qu'on peut faire, c'est quelque chose de l'ordre de 100 milliards de poissons tués en France par an. Voilà, donc avant tout la Veggie Pride, c'est la fierté de ne pas participer à ça, et puis c'est aussi des revendications sur les différentes discriminations dont nous sommes victimes, voilà, dont par exemple le fait de ne pas pouvoir avoir accès à des repas végétariens dans les collectivités, dans les cantines, le fait de ne pas avoir une information médicale adaptée, tout un tas de choses de ce type là Et il y a eu des élus qui sont venus vous voir, Stéphane par exemple, qui vous ont parlé, qui vous ont dit ah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites. Il y a toujours un petit peu de récupération politique en fait dans ce genre de manifestation. Des élus, non. On a ça a été suivi par un journaliste, en tout cas pendant le défilé. Moi, j'en sais pas plus là-dessus. On a eu France Info, je crois. Alors la grosse difficulté, c'est que une manifestation qui le samedi après-midi, ce jour-là, on nous a fait comprendre qu'il y avait trois manifestations, une manifestation de motards qui allait débarquer en même temps plus d'un millier de motards. Ouais, exactement. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est difficile pour l'instant. Je pense qu'on est encore trop peu visible et trop peu exposé pour intéresser les élus. Les élus, ils essayent de récupérer ce qu'il y a de plus massif. Nous, pour l'instant, on est encore vraiment inexistant pour eux, je pense. Et par exemple, au niveau du public, au niveau des Marseillais, alors est-ce que vous avez senti qu'il y avait une approbation de la population, des citoyens par rapport à vos revendications, par rapport à justement la sensibilisation au niveau de la tuerie des animaux? Moi j'ai l'impression qu'en tout cas pendant le défilé, on a croisé énormément de gens très réceptifs, très positifs, et des gens émus sur le bord du cortège, même une personne qui pleurait. Qui pleurait? Une vieille personne qui avait des larmes quand elle voyait nos revendications, certainement quelqu'un. Enfin, on imagine quand on voit ça quelqu'un qui peut-être a été sensible toute sa vie au même discours, au même combat, et qui voit que là, des gens le disent ouvertement à la société. Publiquement, quoi. On ne veut pas faire pleurer dans les chaumières, hein, c'est vrai que ça reste de la micro-statistique. Il y a quelques personnes comme ça, même une personne qui avait ses valises et puis qui, en croisant un cortège, a, malgré le poids qu'elle transportait, a voulu nous accompagner à suivre pour partager un peu notre. Donc c'est des petits événements anecdotiques, mais pour nous, c'est quand même assez symbolique et on a été assez surpris de l'accueil qui était plutôt positif. Alors justement, il y a une dizaine d'années, ce n'était pas du tout le cas. Il y avait plutôt des moqueries, les gens étaient un peu incrédules. C'était surtout un moment, une mode, hein. Enfin, surtout après, bon, je vais parler pour les filles, peut-être, quand on est jeune adolescente, on a envie de perdre du poids, on se dit, on va pas manger de viande et tout ça, on mange rien du tout. C'est, à un moment, ça a été une mode, hein, d'être végétarien, peut-être pas végétalien, mais être végétarien, à un moment, ça a été une mode, et peut-être encore pour certaines personnes, ça allait encore. Oui, oui, puis on en a parlé un petit peu la dernière fois, il y a aussi toute la vague écolo qui a un peu crédibilisé le sujet, c'est-à-dire que maintenant, pour des raisons écologiques, ça reste crédible de parler d'arrêter de manger les animaux. Tout le monde se dit en arrière-plan un peu mauvaise conscience, tous les gens qui savent que à quel point la viande participe à la destruction de la planète par l'intermédiaire de dégagement de CO2, etc., prennent au sérieux ce sujet pour des raisons écologiques, et du coup peut-être ça libère un petit peu leur sensibilité sur la question du bien-être animal aussi, la question de la souffrance des animaux derrière, ce qui fait que peut-être qu'ils accueillent un petit peu mieux nos arguments maintenant. On va avoir une question peut-être un peu plus méchante. Bon, c'est vrai, on se dit que ces personnes-là qui s'intéressent aux animaux, à la tuerie des animaux, alors qu'il y a tant d'êtres humains justement qui souffrent, qui sont martyrisés, qui meurent aussi. Alors, est-ce que c'est pas un peu paradoxal de vouloir s'intéresser aux animaux alors que aux humains on s'intéresse pas tellement? Sur l'avocat du diable ce matin sur les ondes de Radio Galère. Alors c'est un argument qu'on nous donne souvent. Nous ce qu'on répond là, c'est que l'un n'empêche pas l'autre et qu'en général il y a la souffrance, elle est la même pour tout le monde. Et d'ailleurs Saint-Exupéry disait qu'on n'a pas un cœur pour les hommes, un cœur pour les animaux. On a un cœur où on n'en a pas. Donc c'est un grand tout. Quand on est capable de faire du mal aux animaux, on est capable de faire du mal aux humains. Mais alors toujours dans la même ligne que toi Christian, est-ce qu'il y avait que des convertis au végétarisme, ou est-ce qu'il y avait des gens soit qui ne savaient pas ou soit qui étaient plutôt réticents, qui disaient bah, écoutez moi je mange de la viande, mais qui étaient un peu curieux de voir ça justement pour avoir une confrontation d'idées, hein, pas du tout dans le sens de vous démolir, mais une confrontation d'idées. Est-ce que vous avez rencontré des personnes comme ça? Alors nous déjà on n'emploie pas le terme converti qui a une connotation un peu religieuse, on parle de convaincu plutôt, puisqu'on essaie de parler à leur raison, et donc non, principalement ce sont des gens qui les gens qui manifestent avec nous sont quasiment, enfin, dans notre manifeste, on appelle les gens qui ne mangent pas les animaux à venir nous rejoindre. Mmh. Effectivement, il y a des gens qui auraient aimé participer, qui sont d'accord avec nous sur le fond, mais qui continuent à manger les animaux, qui ont un peu du mal. Mais la Vue du Prêtre s'adresse aussi à eux, c'est-à-dire le but, c'est d'essayer de faire baisser la pression qui fait que, pour l'instant, ils n'ont pas encore le courage je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ils ne sont pas en situation de pouvoir le faire parce qu'il y a la pression familiale, parce qu'il y a tout un tas de choses dans la société qui rend compliqué ce choix, parce qu'on n'a pas toujours la conviction d'affirmer ce choix-là. Donc voilà, c'était un peu l'objet de la Vue du Prêtre aussi, ça. Quand vous parlez de conviction et qu'on n'a pas la possibilité justement d'affirmer ce choix dans la société, donc ça veut dire qu'il y aurait une majeure dans la société, quelque chose justement qui nous pousse à consommer de la viande. En fait, c'est ce que vous dites là. Bah oui, un petit peu, c'est culturel déjà, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos parents et de nos ancêtres, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Ça, on en parle toujours, on dit le terme de... Il y a une chanson qu'on va peut-être écouter tout à l'heure qui parle de la barbarie qui est la norme sociale dans la société, et comme pour l'esclavagisme par exemple, les gens qui sont nés à l'époque esclavagiste sont nés dans une société où c'était comme ça, c'était normal pour les parents, les grands-parents et ainsi de suite. L'homme s'habitue à tout. Et puis être capable de se sortir de ça, c'est extrêmement difficile. Actuellement, on considère que les végétariens ont fait une chose extrêmement difficile, de pouvoir prendre le recul nécessaire, et puis on est très peu nombreux aussi pour l'instant, et puis c'est quelque part... une certaine prétention de prétendre qu'on a raison face à la grande majorité de la population. On est 1 ou 2%, on pense qu'on a raison là-dessus, donc ça veut dire que 98-99% des gens sont contre nous, et donc il faut pouvoir assumer ce choix-là, se dire que même si on est très peu, on a des bonnes raisons de faire ce qu'on fait. Je réussis à parler de culture. Bon, c'est vrai que on voit, par exemple, dans d'autres pays, être végétarien, c'est beaucoup plus admis. Pendant les pays anglo-saxons, ils sont très très en avance. Alors, comment tu expliques, par exemple, que la France ou peut-être tous les pays latins sont justement un peu en retard par rapport à cette réflexion? Est-ce que c'est un atavisme culturel ou c'est un réflexe de vouloir garder son acquis, son patrimoine, comme le bon vin, la bonne viande, la bonne bouffe? Oui, c'est pas impossible, surtout en France. Dans les pays latins, en général, je sais pas, mais en France, on a une culture gastronomique qui est vraiment basée sur la viande. On est connu pour les cuisses de grenouille, pour les escargots, pour le foie gras, pour ça fait vraiment partie de notre culture culinaire. Donc peut-être que ça explique les choses. C'est vrai qu'on mange en général ce qu'on nous a appris à manger, ce qu'on mangeait chez nos parents. Et puis quand la viande imprègne tellement notre culture, c'est difficile de s'en dégager. Mais alors, au vu de ce que vous dites que vous avez raison. Le but de cette manifestation, vous l'avez dit, c'était d'affirmer vos droits. Mais est-ce que c'est pas aussi de convaincre les autres? Oui, d'ailleurs, c'était le sujet de la première conférence qui s'intitulait, organisée jeudi dernier, qui s'intitulait La question animale, une question politique essentielle. C'était de bien rappeler que le végétarisme, pour beaucoup de gens, c'est une question personnelle, c'est un choix personnel qu'il ne faut pas imposer aux autres. Alors que non, pour la plupart d'entre nous, le végétarisme, c'est un choix de société. On ne considère pas que le fait que quelqu'un mange les animaux, les tue pour les manger, soit juste une question de choix personnel. C'est une éthique, c'est une morale, et c'est un choix politique. Donc effectivement, c'est en arrière-plan, il y a le fait que nous souhaitons que la société évolue sur cet aspect-là et que ça ne reste pas juste une question de choix comme de goût et de couleur. Alors, on revient un peu, on est dans l'actualité, mais on revient un peu sur un phénomène d'actualité qui vient de se passer récemment. On a vu l'affaire DSK, alors on a vu une problématique de tout ce qui concerne la morale et l'éthique, parce qu'on a vu, si les faits s'avèrent vrais, on voit qu'entre ce qu'on veut faire et ce qu'on est, des fois il y a une grande différence au niveau de la morale et l'éthique. Est-ce que cette réflexion que vous avez au niveau de ce qui se passe par rapport aux animaux, c'est de redonner un peu plus d'éthique et de morale à la société et à la civilisation en général, puisque c'est vrai qu'on voit de partout dans le monde des graves manquements à l'éthique et à la morale, malheureusement. Oui, c'est quand même une grande ambition, ça. Je ne sais pas si on a autant d'ambition que ça, au moins sur cet aspect-là. Effectivement, maintenant, déjà, si on arrive à améliorer la considération que les humains ont pour les animaux, ce sera déjà bien. Je ne sais pas si on a autant de prétentions que ça de changer complètement la société, mais certainement que ça ira de pair. Le jour où on arrivera à faire changer le point de vue des gens sur la question animale, il y a beaucoup de choses qui évolueront dans le bon sens. Et maintenant, donc, vous avez manifesté, vous avez fait votre marche, vous avez fait des conférences. C'était une première donc à Marseille, donc vous êtes plutôt comme satisfait. Pour une première, on est toujours satisfait. Et quels sont vos projets dans l'avenir? Est-ce que vous allez recommencer ça? Est-ce que ça va être une biennale ou juste quelque chose annuel? Comment vous voyez votre futur? L'objectif de la manifestation, comme c'est une première à Marseille, c'était aussi d'essayer de fédérer du monde à Marseille là-dessus. Il y a beaucoup de collectifs et d'organisations dans d'autres villes de France pour la question des droits des animaux. À Marseille, il y avait très peu de choses jusqu'à présent. Et donc on a aussi voulu, par cette manifestation, essayer de rassembler des gens pour qui c'était important à Marseille, dans la perspective justement de continuer ensuite et d'organiser ça au niveau local. Donc s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et puis qui ont envie de nous rejoindre et que ça touche, ils peuvent nous contacter donc en cherchant sur Google Veggie Pride Marseille, on trouve facilement nos coordonnées. Et on espère à l'avenir organiser davantage de choses, que ce soit pour la question des droits des animaux ou aussi pour favoriser l'expansion du végétarisme dans la ville. Donc on a entendu il y a quelques jours que Sodexo envisageait de proposer à la rentrée des repas végétariens dans les cantines. Et c'est Sodexo d'ailleurs, ça a été un grand problème au conseil municipal de Marseille. C'est eux qui ont le monopole, donc dans les maternelles, dans les écoles primaires, à 45 000 élèves qui vont distribuer des repas avec 30% en fait, c'est ça de biologique. Oui. De trucs. Et ça, ça a été une grande polémique au conseil municipal et il y a l'opposition qui s'est levée parce que. Voilà, c'était pour rappeler un peu aux auditeurs ce que c'était. Oui, c'est tout frais. Nous, on était bien pris dans la manifestation, donc on n'a pas suivi le dossier de près, mais on a l'intention justement de suivre ça de plus près, notamment au sein de l'Association végétarienne de France. Il y a une délégation à Marseille, et puis dont nous faisons partie. Et on a l'intention effectivement d'aider les végétariens de Marseille à essayer d'avoir plus facilement accès à des repas végétariens. Mais Sodexo propose des repas végétariens ? Pour l'instant, alors au niveau international, oui, aux États-Unis, ils le proposent dans toutes les écoles, par exemple, ça fait partie de leur offre. Par contre, ils proposent qu'on leur demande ce que les collectivités leur commandent. Et actuellement, en France, il y a très peu de collectivités qui commandent des repas végétariens. Et à Marseille, il est question à la rentrée que ça se fasse. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on a entendue ces derniers jours. Donc on va essayer de suivre ce dossier-là de plus près. Donc on voit que l'effet de ces manifestations et votre activité a porté ses fruits. Donc peut-être à Marseille, les élèves vont pouvoir choisir un repas végétarien dans les cantines. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, en espérant que ça se concrétise, parce que pour l'instant, c'est une annonce. Mmh. Après, bon, malheureusement, j'ai bien peur que ce ne soit pas la question animale qui motive ça, mais plutôt les questions écologiques. Bon, c'est déjà une bonne raison, mais, voilà. Mais ça, ça, et puis surtout, ça favorisera, à partir du moment où, où l'offre sera présente, ça sera beaucoup plus simple pour les enfants, pour toutes les personnes qui sont sensibles à cette question-là, de pouvoir choisir l'alternative, même si c'est pour des raisons éthiques et pas des raisons écologiques. Alors, il faudra toucher aussi, puis là, aussi un peu peut-être les médecins, parce que souvent aussi ils font barrage avec tout ce préjugé qu'il faut à tout prix avoir des protéines animales pour être en bonne santé. Là, il y a tout un contexte à casser, et ça, il y a du travail aussi encore à faire, je crois, Joris. Oui, oui, oui. Bah, c'est un travail de grande ampleur. On va essayer de s'y attaquer aussi. Alors, on manque un petit peu d'énergie, de disponibilité pour tout ça. Il y a tellement de choses à faire. Donc voilà, on c'est quelque chose qui est important pour nous. Effectivement, il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas du tout au courant des bienfaits de l'alimentation végétarienne. Eh bien, justement, donc, parce qu'on va un petit peu pour avoir un écho, vu que Radio Galère n'y était pas, mais vous nous avez ramené du son. Donc, on va écouter, c'est un petit peu une ambiance, c'est ça, Stéphane, de la Vigipride ? Oui, c'est un petit peu un pot-pourri de ce qui s'est passé pendant les 2-3 heures de défilé. Je ne sais plus combien la manif a duré. Eh bien, c'est une longue marche, c'est bien. 3 heures, donc voilà, c'est son ambiance, des slogans. D'accord, eh bien c'est parti, on écoute à ce moment. Pour protester contre tout cela, pour défendre le droit des animaux et de ceux qui refusent de les manger. Refuser de faire tuer des animaux pour notre consommation. Refuser de voler à des êtres sensibles le seul bien qu'ils possèdent, leur propre chair, leur propre vie. Refuser de participer à un système concentrationnaire qui fait de cette vie, tant qu'elle dure, un enfer permanent. Refuser de faire ces choses pour le seul plaisir d'un goût, par habitude, par tradition. L'histoire montre cependant à quel point, lorsque la barbarie est la norme sociale, il est difficile de dire non. Eh bien, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que vous avez mis les moyens. On entend vraiment des bruits, il y a des bruits d'animaux. Enfin, vous avez mis les moyens dans la sono, je veux dire, hein, on entend vraiment... Oui, c'était une mise en scène qu'on a faite sur le lieu de départ, qu'on appelle les singes de la sagesse, qui est reprise souvent dans les Vigiprides précédentes. Elle a été déjà mise en place, utilisée. Donc, tous les manifestants sont mis en rang en se cachant sur les oreilles, sur les yeux, sur la bouche, au moment où ces sons d'élevage et d'abattage étaient diffusés, pour illustrer le fait que la société, de manière générale, se voile la face sur ce qui se passe vraiment quotidiennement dans les abattoirs, dans les élevages. D'accord. Et donc, une question qu'on n'a pas posée aussi à vous, Stéphane, quel bilan vous tirez un petit peu de cette manifestation et quelle perspective vous voyez ? Le bilan, comme disait Joris, plutôt positif, parce que pour une première, c'est une réussite, tant par la fréquentation et les retours qu'on a. Déjà de la part des gens qui connaissent la Vigipride, étaient très très très contents de par le dynamisme, l'organisation, la richesse, etc. Et pour nous, et l'impact sur les Marseillais, il y a énormément de gens qui étaient végétariens, qu'on connaissait pas, malgré qu'on fasse partie aussi de l'Association Végétarienne de France. Donc des gens qui ont découvert et les associations et la Vigipride, qui se sont manifestés. Donc on est plutôt content. On aimerait peut-être qu'il y ait une deuxième édition l'année prochaine, mais ça va dépendre d'énormément de choses. L'organisation, et puis c'est une manifestation nationale aussi, donc on va voir avec... elle est suivie d'une manifestation le 11 juin Il y a une Veggie Pride à Paris le 11 juin, donc on verra sur le bilan, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, etc. Bon, bah ça va, je crois qu'on suivra l'affaire de près, hein, Christian. Évidemment, Coralie. Et donc voilà, donc je crois que vous nous avez apporté une petite musique pour conclure en beauté. C'est des chansons, c'est ça. Oui, en plus, oui, c'est la chanson de Stéphane. Stéphane qui est un chanteur engagé, en quelque sorte. Oui, en fait, c'est des chansons du groupe Velvetine, on est de Marseille. Et notamment, ça c'est notre dernier opus, qui est un CD qui est consacré à la défense animale. Et c'est où qu'on peut le trouver? C'est qu'on peut le trouver, Didier Asmir. On peut le trouver, il n'est pas distribué à la FNAC, par exemple. On le trouve chez des disquaires à Marseille, par exemple Lollipop, Cup of Tea, des librairies. On peut le trouver par Internet, sur le site de Velvetine, velvetine.info, par exemple. Très bien. Alors, c'est « Oh mon frère » ou bien « Un journal ordinaire » Un jour ordinaire qui correspond plus... en fait, c'est une mise en musique d'un texte qui est un petit peu à la fondation de la Veggie Pride. D'accord. Donc voilà, on est en plein dedans, donc on n'a qu'à choisir celui-là. Alors c'est parti, on va l'écouter, et puis on rappelle aussi aux auditeurs, hein, s'ils veulent intervenir, si vous voulez parler de la Veggie Pride, si vous voulez parler aussi de tous les thèmes qu'on va aborder à la fête internationale, nationale, comme d'habitude, mercredi sur Radio Galère. Christian, rappelle-nous le numéro, regarde, il est là. Christian met ses petites lunettes. 04 91 08 28 et même 10, voilà. 04 91 08 28 10 et on vous quitte, on marque une petite pause en musique, c'est parti. Un jour ordinaire. Nous voilà encore sur Radio Galère pour le journal. Nous allons passer au journal international